Il est temps de passer au nec plus ultra du romantisme. avec Guillermo. Oui, je remplace Daniel. Hein. Bah oui, c'est le héros du jour. Mon héros du jour, ça aurait pu être Zizou. Ça chauffe là. Pour qu'il devienne entraîneur au PSG et tout. Et à titre personnel, je trouve ça formidable. Moi, en tant que Belge, tout ce qui peut foutre la zizanie dans le foot français, je prends. C'est du Nutella. J'en mets sur ma tartine, je lèche le pot. L'Afrique du Sud, Nice Now en 2010, je l'ai en VHS, en DVD, je regarde 3 fois par semaine. Je suis dans mon fauteuil. Restez dans le bus, ouais. Les pauvres supporters de l'OM, ils sont tous en arrêt maladie. Là, ils sont partis à Lourdes. Il y a tellement de cierges qui brûlent à Lourdes. Il y a des Canadaires qui sont prêts quand ça va partir en feu de forêt. Sur les réseaux sociaux, les fans de l'OM, ils pètent les plombs. Materazzi avait raison. Comment faire confiance à un homme sans cheveux et tout, toi. J'ai lu ça, ou c'est moi qui l'ai inventé. Ouais, c'est vrai, je comprends. C'est dur pour eux. Putain, Zizou, c'est Marseille, quoi. Et Marseille, c'est Zizou. C'est comme si Nagui partait sur Europe 1. C'est vrai, quoi. Nous, on serait là. Yes, merci Dieu, tu vois. T'es un frère. Puisses-tu faire pareil avec Tanguy Pastureau. Nous, on serait joie, mais nos auditeurs, ils sont quand même près de 300 000. Ils prendraient ça pour une trahison, quoi. Ceci dit, il faut admettre que Zizou au PSG serait vraiment fou, quoi. Rien que pour le symbole. Un entraîneur qui a gagné vraiment 3 fois la Ligue des Champions, qui s'engage dans un petit club. Moi, je dis chapeau. Ça va pousser les jeunes à s'engager chez Emmaüs, même au Parti Socialiste. Enfin, des trucs, il va y avoir des dingueries. Ça va être incroyable. Par contre, s'il veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG, Zizou, il va devoir reprendre les bases à l'entraînement. Kylian, pas avec les mains. Tu vois, Neymar, éteins ton Instagram pendant ton pénalty. Vraiment, tu vois ça. En vrai, ce qui serait vraiment marrant, c'est que Zidane vienne au PSG comme infiltré, tu vois, qu'ils soient en mission pour la ville de Marseille. Genre, premier match de la Champions League avec le PSG. Les gars, on va innover, on va commencer à 9, tu vois. Il fait tout ça pour qu'il gagne jamais la Champions League. Bon, c'est dit avec ou sans lui. Ouais. Bon, Zizou aurait pu être mon héros du jour, mais ça l'est pas. Mon héros du jour, c'est Stéphane Rottenberg, le présentateur de Top Chef. Pourquoi? Parce qu'il a enfin gagné le concours de sosie de Thomas Pesquet. Pas du tout. Parce qu'il a été enfermé au musée Grévin, ils l'ont pris pour sa reproduction. Pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, moi j'ai dit juste pas Stéphane Rottenberg parce qu'il va ouvrir un restaurant à Paris. Mais non. Il va proposer des plats cultes de Top Chef, quoi. On les connaît tous, le riz blanc dans son sachet, tu vois. L'agneau raciste, tu vois, le sang dans son sang, mais revisité, tu vois. Le plat qui avait fait gagner Jean Imbert. L'ambiance resto, ça sera calqué sur l'émission, tu vois. Tu pourras chronométrer les cuisiniers, tu vois. Genre, toujours des endives au gratin, mais vous avez 9 minutes, tu vois, genre, avec un des systèmes de décharge électrique si en cas de retard. 5, 4, 3, 2, 1, lâchez tout. Si c'est moins bon qu'espéré, ça va être bien. Et je pense que c'est une bonne idée, ce restaurant, parce qu'on a tous regardé Top Chef en rêvant, tu vois, de goûter ces plats. Moi, ça m'a toujours frustré de voir 4 jurés blasés la sortir. Je trouve qu'il y a un joli travail sur les textures et c'est les 3/4 de l'assiette au chat, tu vois. C'est triste quand même, franchement. Moi, je trouve l'initiative de Rottenberg, elle est bien, mais elle va pas assez loin. Moi, ce que je propose, c'est un service de livraison à domicile des plats de Top Chef en temps réel pendant l'émission par Stéphane Rottenberg, quoi, tu vois. Il y aurait moins de gaspillage, de deux, il aurait quand même enfin un truc à faire dans cette émission. C'est pour ça que c'est mon héros du jour. Merci Guillaume.